Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans le lieu très haut, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan d'enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ces jours de gloire, en ces jours de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Oh, oh, oh. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans le lieu très haut, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan d'enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses pour l'éternité. En ces jours de gloire, en ces jours de fête, tous ceux qui t'aiment et qui croient en toi seront heureux pour toujours. Oh, oh, oh. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans le lieu très haut, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan d'enfer. Na kokina komitungisa te, na ebinyo so esu ajali, ako simba bomo inangai. Lobiko na ngejali na Yesu, hae hae. Lobiko na biso, ejali katina Yesu. So kito mi pesina yeto komo na kembo na masia. Ngaina jala kino poto poto, ngaina jala kimo bungi. Yesu yemo kohalu kingai. Lobiko na ngejali na Yesu, hae hae hae. Lobiko na biso, ejali katina Yesu. So kito mi pesina yeto komo na kembo na masia. Deko lobiko na ejali wapi, opesi yango na banganga. Opesi yango na kindoki, hoyo yanga ejali na Yesu. Nekolo biko na ejali wapi, opesi yango na banganga. Opesi yango na kindoki, hoyo yanga ejali na Yesu. Aye, aye. Lobiko na biso, ejali katina Yesu. So kito mi pesi na yeto komo na kembo na masia. Aye, aye. Lobiko na biso, ejali katina Yesu. So kito mi pesi na yeto komo na kembo na masia. Bye. Savandio, yo, yo. De Kenin Jimbi le Bayawe. De Kenin Jimbi le Bayawe.